Stéphane Hessel, Wikipédia, janvier 2011. Stéphane Frédéric Hessel, né à Berlin le 20 octobre 1917, est un diplomate et militant politique français. Il fut un combattant de la France libre pendant la Seconde Guerre mondiale, puis déporté à Buchenwald. Il est également écrivain. Biographie. Enfance et formation. Né Stéphane Hessel à Berlin le 20 octobre 1917, d'Hélène Grund, fille d'un banquier prussien et protestant, et de l'essayiste et traducteur allemand Franz Hessel, membre d'une famille de la grande bourgeoisie allemande de souche juive polonaise, partiellement convertie au protestantisme luthérien et qui fit fortune dans le commerce des grains. Franz, le père de Stéphane, se voue dès son plus jeune âge aux lettres, aux langues et à l'antiquité grecque. Sa mère, Hélène Grund Hessel, qui dessine et peint, est l'héroïne de Jules et Jim, le fameux roman autobiographique d'Henri-Pierre Rocher. À la fois l'ami de Franz Hessel et son rival dans le cœur d'Hélène. L'histoire du trio impossible voulant briser les conventions sociales a été popularisée par le film de François Truffaut, où le rôle féminin est interprété par l'actrice Jeanne Moreau. Immigrée en 1925 en France avec ses parents et son frère aîné de 3 ans Ulrich, à Fontenay-aux-Roses puis en 1929 à Paris, Stéphane obtient le baccalauréat de philosophie à 15 ans en 1932. Sous l'influence de l'ami de son père Walter Benjamin, avec lequel celui-là a traduit la recherche de Marcel Proust, et dans l'effervescence suscitée par les cours donnés par Alexandre Kojève à l'école pratique des hautes études, il s'enthousiasme pour la phénoménologie du progrès de l'humanité et du sens de l'histoire développée par Hegel. Après un passage à la London School of Economics, il revient à Paris suivre le cursus de l'École libre des sciences politiques. En 1937, il est naturalisé français et sa mère, devant son manque d'assiduité à l'École libre des sciences politiques, l'inscrit en Hippocagne. Il est reçu en 1939 à l'École normale supérieure, où il suit le séminaire de phénoménologie de la sensibilité de Merleau-Ponty sans se départir d'une interprétation optimiste de l'hégélianisme. La lecture au sein des cercles normaliens du Sartre moraliste, la nausée, le mur, plus que les leçons de métaphysicien, est déterminante et l'engage à une éthique de la responsabilité. Il épouse cette même année Vitia, une jeune juive russe, interprète de conférences et fille de Boris Mirkin-Garvezitch, célèbre professeur de droit constitutionnel en France. En septembre, il est mobilisé à Saint-Mexant avec 3 promotions de normaliens. Résistance et déportation. Prisonnier évadé en 1940, résistant lors de la Seconde Guerre mondiale, Hessel rejoint le général de Gaulle à Londres en mars 1941 et est incorporé en mai dans les FFL. Une formation dispensée par la RAF de juin 1941 à mars 1942 lui donne la qualification de navigateur sur bombardier, mais au lieu de satisfaire son appétit juvénile d'héroïsme et intégrer, comme prévu, les forces aériennes françaises libres, le bureau de contre-espionnage, de renseignement et d'action le retient comme agent de liaison avec l'état-major britannique pour sa section R. En novembre 1942, il est rejoint par sa femme Vitia. Fin mars 1944, il obtient enfin d'être envoyé en mission en France, la mission Gréco prévue pour 100 jours. Le 10 juillet, il est arrêté, déporté en Allemagne, train du 8 août, à Buchenwald où il se retrouve dans un groupe de 36 agents anglais, français et belges arrêtés concomitamment, dont les 16 premiers sont pendus le 11 septembre. Après l'exécution de 11 autres le 5 octobre, l'opposant allemand Eugène Cogon et le résistant Alfred Balachowski, qui avaient été affectés aux expériences médicales, obtiennent la complicité du médecin du camp pour échanger l'identité de trois des neuf agents restant avec trois prisonniers morts du typhus. Ce seront Forestier Automa, Harry Pelvé et Stéphane Hessel. Devenu Michel Boitel, le complot le fait nommer chef comptable au camp de Rothelberode, dans le Harz, où il est transféré après avoir, le 1er novembre, transité avec Harry Pelvé par le camp de Schnellenberg, au sud de Magdebourg. C'est ainsi qu'il échappe à sa pendaison le 18 novembre. À la suite d'une tentative d'évasion manquée, il est transféré en janvier 1945 à Dora pour être versé aux commandos qui, le plus souvent sans être nourris, travaillent à la construction d'infrastructures ou de pièces pour les V2. Il échappe de nouveau à la pendaison. Enfin, le 4 avril, durant son transfert vers Bergen-Belsen, il saute du train et rejoint les lignes américaines à Hanovre, d'où il est renvoyé à Paris qu'il rejoint le 8 mai. L'après-guerre. La question des droits de l'homme. Admis en novembre 1945 au concours des affaires étrangères, Stéphane Hessel est nommé ambassadeur en Chine. Il fera toute sa carrière dans la diplomatie jusqu'en 1985 au travers de multiples détachements de son ministère de tutelle. Appelé en 1946 comme chef de cabinet du secrétaire général adjoint des Nations Unies, Henri Laugier, il est à ce titre nommé secrétaire de la Commission des droits de l'homme en 1948, quand celle-ci est constituée pour entreprendre la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Son rôle n'est pas celui d'un rédacteur comme le fut René Cassin et en tant que membre du Conseil économique et social, Pierre Mendès France. Durant la 4e République, ce dernier, qu'il connut en 1943 à Londres, en fait l'un de ses proches collaborateurs au sein de son cabinet ministériel qui durera 7 mois décisifs. Indépendance du Cambodge et du Laos, partage du reste de l'Indochine entre Vietnamiens soutenus par la Chine et Vietnamiens soutenus par les États-Unis, guerre d'Algérie, du 18 juin 1954 au 5 février 1955. Il devient ambassadeur de France à l'ONU, puis occupe divers postes de diplomate à Saïgon, Alger, Genève et New York, donnant de lui-même l'image d'un soutien inlassable à la défense des droits de l'homme. De hautes fonctions. À son arrivée au pouvoir en 1981, François Mitterrand, qu'il a connu ministre de l'Intérieur dans le cabinet Mendès, élève Stéphane Hessel à la dignité d'ambassadeur de France. Le président lui confie le poste de délégué interministériel, siégeant successivement à la Haute Autorité de la Commission audiovisuelle en 1982, où il est chargé du dossier compliqué des radios locales privées, puis au Haut Conseil à l'intégration. Il est choisi pour représenter la France à la Conférence mondiale des Nations Unies sur les droits de l'homme. Dans un rapport commandé par le Premier ministre Michel Rocard, intitulé « Les relations de la France avec les pays en développement » et remis en 1990, Stéphane Hessel écrit que la politique française devrait être revue dans le sens d'une plus grande rigueur et du rejet de toute complaisance clientéliste. Il critique la conception des rapports avec les chefs d'État africains, le gaspillage des crédits et des aides depuis les indépendances. Ce rapport, peu apprécié à l'Élysée, est retiré de la circulation et enterré, comme la plupart des études visant à une transformation de la politique française de coopération en Afrique. Veuve de Vitia en 1985, il se remarie en 1989 à l'âge de 72 ans, régularisant une liaison de 30 ans tout en revendiquant son amour pour sa première femme. Il s'illustre de nouveau en 1996 lorsqu'il devient le médiateur dans l'affaire qui eut un grand retentissement dans l'opinion publique des sans-papiers des églises de Saint-Ambroise puis Saint-Bernard. Stéphane Hessel a été membre de la Commission nationale consultative des droits de l'homme ainsi que du Haut Conseil de la coopération internationale. Action politique et sociale. Militantisme. L'avènement de la Ve République en 1958 et l'évolution de celle-ci sous l'influence du RPF, parti d'un général de Gaulle qu'il ne reconnaît plus, l'engage à défendre l'héritage du CNR. Primauté de l'intérêt général sur l'enrichissement individuel, coopération transnationale, cogestion syndicale des grands services publics, égalité des droits pour les émigrés, etc. Au sein du club Jean Moulin, fondé par l'ancien secrétaire de ce dernier, Daniel Cordier. En 1985, Michel Rocard choisit Stéphane Hessel, qu'il a rencontré quelques semaines auparavant alors que l'un et l'autre donnaient des conférences à Harvard, pour présider son réseau de soutien de sa candidature à l'élection présidentielle. En 1986, il prend sa carte au Parti socialiste, mais son engagement sans faille pour l'Europe l'en éloigne quand ce parti cherche une conciliation avec les anti-Maastricht. Ainsi, en 2003, il signe avec d'autres anciens résistants la pétition pour un traité de l'Europe sociale. Stéphane Hessel a signé l'appel collectif de résistance de la première heure à la commémoration du 60e anniversaire du programme du Conseil national de la résistance du 15 mars 1944. Ce texte invite notamment les jeunes générations à faire vivre et retransmettre l'héritage de la résistance et ses idéaux toujours actuels de démocratie économique, sociale et culturelle. Le 21 février 2008, sur la place de la République à Paris, Stéphane Hessel dénonce le non-respect de l'article 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme par le gouvernement français et lance un appel pour que le gouvernement mette des fonds à disposition pour que tous les sans-logis puissent obtenir un toit. Le 15 mars 2009, lors de la Convention nationale des comités locaux Europe Écologie, réunie au parc de la Villette à Paris, aux côtés de Daniel Cohn-Bendit et José Bové, Stéphane Hessel annonce sa volonté de soutenir les listes Europe Écologie en vue des élections européennes du 7 juin 2009, dans l'espoir de voir émerger une gauche impertinente qui puisse peser. Le 12 décembre 2009, il confirme ce soutien en annonçant sa présence aux positions non éligibles sur la liste Europe Écologie, Île-de-France, conduite à Paris par Robert Lyon lors des élections régionales de 2010. Prise de position sur le conflit israélo-palestinien. En août 2006, Stéphane Hessel signe un appel contre les frappes israéliennes au Liban paru dans Libération et l'Humanité. Le 5 janvier 2009, Stéphane Hessel déclare à propos de l'offensive israélienne dans la bande de Gaza. En réalité, le mot qui s'applique, qui devrait s'appliquer, est celui de crime de guerre et même de crime contre l'humanité. Mais il faut prononcer ce mot avec précaution, surtout lorsqu'on est à Genève, le lieu où siège un haut commissaire pour les droits de l'homme qui peut avoir là-dessus une opinion importante. Pour ma part, ayant été à Gaza, ayant vu les camps de réfugiés avec des milliers d'enfants, la façon dont ils sont bombardés m'apparaît comme un véritable crime contre l'humanité. Le 4 mars 2009, Stéphane Hessel est membre du comité de parrainage du tribunal Russell sur la Palestine. Il préside la conférence de presse organisée à l'occasion de son lancement. En novembre, il apporte son soutien à Salah Hamouri, un franco-palestinien emprisonné en Israël, reconnu coupable par la justice israélienne d'appartenance au Front populaire de libération de la Palestine et de complot d'assassinat. Ce dernier nie les faits qui lui sont reprochés. Le 30 décembre 2009, Stéphane Hessel cite Israël dans une liste d'États tyranniques parmi la Chine, la Russie et l'Iran, avec lesquels le commerce ne doit pas primer sur les droits de l'homme. Le 15 juin 2010, il appelle à participer au mouvement de boycott, désinvestissement et sanctions contre Israël, soulevant l'indignation du Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme qui porte plainte pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence. En octobre 2010, Pierre-André Taguieff, paraphrasant Voltaire, écrit sur un mur Facebook « Un soir au fond du Sahel, un serpent piqua le vieil Hessel. » Que croyez-vous qu'il arriva? Ce fut le serpent qui creva, puis supprime le commentaire quelques heures plus tard. Le ton des propos tenus par Taguieff entraîne une polémique publique au cours de laquelle le politologue développe ses reproches envers Hessel et contre les positions jugées extrémistes de ce dernier à l'égard d'Israël. Dans son opuscule « Indignez-vous », paru en 2010, Stéphane Hessel explique que la situation en Palestine est pour lui sa principale indignation dans le monde. Engagement associatif. En 1962, Stéphane Hessel crée l'association de formation des travailleurs africains et malgaches, AFTAM, dont il devient le président. En 2008, l'AFTAM compte 22 000 lits d'hébergement. Il crée un an plus tard le guide du coopérant français en Algérie, mine de conseils utiles pour les jeunes du contingent effectuant leur service national dans le cadre de la coopération et pouvant être déroutés par des mœurs qu'ils ne connaissent alors que peu. Ce guide, mis à jour régulièrement, sera édité et remis à chaque coopérant jusqu'à la fin des années 1970. Stéphane Hessel est membre du comité de parrainage de la Coordination française pour la décennie de la culture de paix et de non-violence. Il soutient depuis sa création en 2001 le fonds associatif Non-Violence 21. Il compte également parmi les membres fondateurs du Collégium international éthique, politique et scientifique en 2002, qu'il conçoit comme le lieu de l'engagement de l'intellectuel auprès du décideur. Depuis 2007, Stéphane Hessel est parrain de l'ONG Bibliothèque sans frontières, qui œuvre pour l'accès au savoir et l'appui aux bibliothèques en français à travers le monde. Récompense et succès. En 1999, il est élevé à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national du mérite. Décret du 16 novembre 1999. En 2004, il reçoit le prix Nord-Sud du Conseil de l'Europe. Le 19 mai 2009, il est fait citoyen d'honneur de la ville d'Aubervilliers par Jacques Salvatore, maire de la ville. En 2006, il est élevé à la dignité de grand officier de la Légion d'honneur. Décret du 14 juillet 2006. En 2008, le livre de conversation « Citoyens sans frontières » obtient le prix Jean Zay. Le 10 décembre 2008, 60e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, Hessel a reçu le prix UNESCO Bilbao pour la promotion d'une culture des droits de l'homme. Le 31 janvier 2010, Stéphane Hessel est président d'honneur du 21e concours de plaidoirie du Mémorial de Caen. Pour la première fois dans l'histoire du concours, les avocats en lice ont décidé de nommer la promotion par le nom d'une personnalité. Ils ont donc choisi de la nommer Stéphane Hessel. Il est le parrain de la promotion 2010 des nouveaux avocats de l'école de formation des avocats Centre-Sud à Montpellier. En 2010, le livre de Stéphane Hessel, Indignez-vous, devient un phénomène littéraire et un succès d'édition avec un tirage record de 950 000 exemplaires. Ce petit livre, vendu à 3 euros, est en tête des ventes du top 20 établi par Ipsos pour Livre Hebdo pour la période du 13 décembre 2010 au 2 janvier 2011. Bibliographie. Œuvre de Stéphane Hessel. Danse avec le siècle. Autobiographie. Seuil, 1997. 10 pas dans le nouveau siècle. Seuil 2002. Ô ma mémoire, la poésie, ma nécessité. 88 poèmes commentés, Seuil 2006, réédition 2010. Citoyens sans frontières, conversation avec Jean-Michel Helvig, Fayard 2008, prix Jean Zay 2008. Préface de Stéphane Hessel de l'ouvrage de Robin Walter, Casette Dora, volume 1. Des ronds dans l'eau 2010 évoque la résistance déportée à Buchenwald et à Dora. Indignez-vous pour une insurrection pacifique. Collection Ceux qui marchent contre le vent, Montpellier. Indigène Édition, octobre 2010.